The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Please. S'il vous plaît. How much? Combien? To cost. Coûter. For. Pour. Euro. L'euro. Now, a bit faster. Euro. L'euro. To cost. Coûter. How much? Combien? For. Pour. To cost. Coûter. For. Pour. How much? Combien? For. Pour. Euro. L'euro. To cost. Coûter. How much? Combien? For. Pour. Now, use the words in context. S'il vous plaît. Please. S'il vous plaît. Combien? How much does that cost? Combien ça coûte? Coûter. How much is a coffee? Combien coûte un café? L'euro. It's 20 euros. C'est 20 euros. Pour. It's for me. C'est pour moi. S'il vous plaît. Please. S'il vous plaît. Combien? How much does that cost? Combien ça coûte? Pour. It's for me. C'est pour moi.